Dans ce voyage de Vevey, je me livrai, en suivant ce beau rivage, à la plus douce mélancolie. Mon cœur s'élançait avec ardeur à mille félicités innocentes. Je m'attendrissais, je soupirais et pleurais comme un enfant. Combien de fois, m'arrêtant pour pleurer à mon aise, assis sur une grosse pierre, je me suis amusé à voir tomber mes larmes dans l'eau. J'allais à Vevey loger à la Clef, et pendant 2 jours que j'y restais sans voir personne, je pris pour cette ville un amour qui m'a suivi dans tous mes voyages et qui m'y a fait établir enfin les héros de mon roman. Je dirais volontiers à ceux qui ont du goût et qui sont sensibles, allez à Vevey, visitez le pays, examinez les sites, promenez-vous sur le lac et dites si la nature n'a pas fait ce beau pays pour une Julie, pour une Claire et pour un Saint-Preux. Mais ne les y cherchez pas. Je reviens à mon histoire. Comme j'étais catholique et que je me donnais pour tel, je suivais sans mystère et sans scrupule le culte que j'avais embrassé. Les dimanches, quand il faisait beau, j'allais à la messe à Assent, à 2 lieues de Lausanne. Je faisais ordinairement cette course avec d'autres catholiques, surtout avec un brodeur parisien dont j'ai oublié le nom. Ce n'était pas un parisien comme moi, c'était un vrai parisien de Paris, un archi-parisien du bon Dieu. Bonhomme comme un champenois. Il aimait si fort son pays qu'il ne voulut jamais douter que j'en fusse, de peur de perdre cette occasion d'en parler. Monsieur de Crouzat, lieutenant Béival, avait un jardinier de Paris aussi, mais moins complaisant, et qui trouvait la gloire de son pays compromise à ce qu'on osasse donner pour en être lorsqu'on n'avait pas cet honneur. Il me questionnait de l'air d'un homme sûr de me prendre en faute, et puis souriait malignement. Il me demanda une fois ce qu'il y avait de remarquable au marché neuf. Je battis la campagne, comme on peut croire. Après avoir passé 20 ans à Paris, je dois à présent connaître cette ville. Cependant, si l'on me faisait aujourd'hui pareille question, je ne serais pas moins embarrassé d'y répondre. Et de cet embarras, on pourrait aussi bien conclure que je n'ai jamais été à Paris. Tant, lors même qu'on rencontre la vérité, l'on est sujet à se fonder sur des principes trompeurs.